sanga mene mama kuna zulwe. Kindo kiki sanga mene mama kuna zulwe. Kuluwa wanga maomame. Kipa kisanga mene mama kuna zulwe. Kindo kiki sanga mene mama kuna zulwe. Look at my Benuzi Bramesu. Tutela kumambudi. Yani basi sila Sorcier commence à entrer dans la famille pour éliminer tout le monde. Mm-hmm. Votre mari Marie est parti. Le maman fait attention. Sinon tu risques que nous tous nous partions et toi tu vas rester comme ça, qu'il faut t'enterrer. C'est ce que Franco disait à sa maman. Donc Kim Pakistan. Donc la sorcellerie est entrée dans la famille. Il y a des gens qui nous veulent du mal. Maman, ouvre tes yeux. Sinon, tu vas rester sur terre, pas de garçon pour t'enterrer. Et malheureusement, c'est arrivé. Bavo est parti, Franco c'est parti. Maman est restée. Maman est toujours là.